sur vos opinions. Je ris souvent de ce qui vous fait pleurer. Je ne comprends pas pourquoi vous dites non à ce qui est souvent la vérité. Je marche volontiers sur vos solutions qui devraient refléter ce que nous voulons. Mais hélas, elles n'aboutissent à rien. Cependant, on nous dit que tout va très bien. Je marche volontiers sur vos questions. Pas mal de ce que nous pensons. Si je dis tout cela, c'est que je le pense.